Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Mélanie Perrier, vous êtes chorégraphe et vous allez nous parler d'un spectacle qui sera présenté sur scène les mardis 15, mercredi 16 janvier à 20h30 et jeudi 17 janvier à 19h30 au Théâtre des Arts à Cergy Grand Centre. Il s'agit du spectacle Care, un manifeste éthique dansé. Il est question d'un travail autour de la relation à l'autre. Mais pas seulement, j'ai lu également que parmi les intentions de cette création, c'est aussi pour dégenrer le geste. Alors avant de rentrer dans le détail, je vous ai présenté comme chorégraphe, mais j'ai vu également ici et là qu'on vous présente comme chercheuse S-subtilité relationnelle. Ah oui. déjà, je serais déjà chorégraphe, c'est déjà pas mal. Chercheuse relationnelle, oui, c'est assez intéressant. C'est pas mal. Hein. Il est vrai que c'est en tout cas ce que j'essaye de faire à travers mes pièces ou les différentes actions que l'on mène au sein de la compagnie, puisque la question des relations, et en l'occurrence des relations à l'autre, est véritablement l'obsession qui articule un petit peu tout ce qu'on essaye de fabriquer sur le plateau et pas seulement. Donc voilà, chorégraphe, c'est d'organiser peut-être... le mouvement de tout ça. Qui dit danse dit souvent performance. Avec Care, vous changez de rapport à la danse, mieux, c'est un rapport à l'autre dont il est question, voire un rapport différent au monde également. Alors oui, à terme, j'espère. En tout cas, ma manière de décrire la danse, effectivement, commence par écrire une relation, et en l'occurrence, celle entre les danseurs. Pour Care, ce sont donc deux duos qui se font en simultané, un duo masculin et un duo féminin. L'enjeu de l'écriture chorégraphique pour que advienne une danse, c'était précisément d'aller élaborer une relation très spécifique entre les interprètes, à savoir autour de la figure centrale, qui est que signifie porter quelqu'un et que signifie accepter d'être porté. Alors, le porter, effectivement, chez tous les danseurs, c'est une des figures de la danse, ce n'est pas la seule. Là, vous êtes fixé particulièrement sur celle-ci, sur le pas de deux également, d'où ces deux duos. Alors, ce qu'on aurait pu voir dans d'autres spectacles, dans d'autres présentations chorégraphiques ou scènes, chorégraphique, pardonnez-moi, c'est souvent les duos hommes-femmes. Là, le parti pris, c'est un duo masculin et un duo féminin. Exactement. Il est vrai que la danse a effectivement une longue histoire avec cette figure. Elle m'intéressait dans un premier temps puisque c'est une figure qui ne peut se faire qu'à deux, contrairement à d'autres qui peuvent effectivement se faire seules. Force est de constater que cette figure, par ailleurs... se trimballer une histoire qui, par ailleurs, était effectivement très honorée, notamment à l'endroit de la danse classique. C'est tout de même souvent, mais pas que, le danseur qui porte la danseuse, ce qui sous-tend nécessairement un certain imaginaire. Et puis, à partir de là, il m'a intéressé de voir ce qu'il y avait comme imaginaire dans cette figure qui, en définitive, est aussi une métaphore de la relation à l'autre en règle générale, et ce bien au-delà du plateau de danse. Mmh. Et donc nous sommes partis effectivement dans cette création sur qu'est-ce que renvoie comme imaginaire, comme sens, le fait que deux femmes se portent et deux hommes se portent. En quoi ça vient un petit peu déplacer nos représentations et de voir si de la douceur peut... générer, peut émerger de ci, de là, et de réévaluer un petit peu cette façon que nous avons de porter et de nous porter les uns les autres. Du corps à corps, en quelque sorte, souvent dans ces sujets-là, on se dit tout est affaire d'équilibre dans la relation, mais aussi de confiance, parce que ça engage, ce travail chorégraphique engage à la fois l'écoute et aussi, je suppose, une forme de prise de risque, de mise en risque de l'autre. Exactement, c'est-à-dire c'est exactement comment les choses se déroulent en direct sur le plateau. Tous les interprètes sont sur le fil et ce qui est assez intéressant dès lors que l'on pose cette figure, à l'endroit de la relation qu'elle suppose, eh bien, à un certain moment, les choses nécessairement glissent et basculent au point que nous ne savons plus exactement qui porte et qui est porté. Donc les rôles sont des fois très, très fins et on est effectivement sur cette confiance qui est véritablement très forte entre les interprètes. C'est ce que l'on a construit et c'est effectivement ce qui se donne à voir de manière permanente et très, très aiguisée. Quand on parle de l'éthique du care, d'abord peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, resituer un peu historiquement, parce que ce n'est pas un mouvement spécifique à la chorégraphie, à la danse, aux arts, mais c'est plus largement des valeurs éthiques qui ont traversé la société. Je crois que c'est parti là encore des États-Unis. C'est effectivement quelque chose qui émane des États-Unis, qui émane depuis les fin des années 90, un courant plutôt du champ philosophique qui émane entre la philosophie, les études féministes, les études très transversales, comme savent le faire si bien les Américains, avec ce qui, là, c'était exactement ça qui m'intéressait, c'est littéralement une autre façon d'envisager et de lire nos possibles relations aux autres. Ce qui est intéressant dans cette éthique du care, c'est que ça place non pas l'individualité de chacun comme nous avons l'habitude de la connaître dans nos sociétés contemporaines, mais bien plutôt de placer la question de la vulnérabilité et de l'interdépendance vraiment comme principe fondateur. Mmh. Nous sommes toujours l'autre de quelqu'un et nous sommes toujours le vulnérable de quelqu'un. Mmh. Donc ça privilégie la vulnérabilité presque comme une valeur, et je trouve ça à l'heure d'aujourd'hui extrêmement fondamental. Et c'est à partir de ce principe-là que nous avons travaillé précisément à l'endroit du porté, à savoir que, eh bien, désormais, celui ou celle qui portait l'autre allait porter à sa mesure et pas au-delà de ses forces. Ce qui a nécessairement réévalué beaucoup, beaucoup de choses, même chez les danseurs. Donc cette éthique du care, comme beaucoup de choses émanant des États-Unis, a mis un peu de temps à franchir l'Atlantique, mais les ouvrages sont depuis une dizaine d'années traduits, bien évidemment, et il y aura, si tout se passe bien, une petite table de lecture à la nouvelle scène nationale pour prolonger, pour celles et ceux qui le souhaitent, ces pistes de réflexion. Alors c'est vrai que dans la société, d'ailleurs, sans faire de lien avec les actualités, sauf que s'il y a forcément écho par rapport à tout ce qu'on entend ces jours-ci, à l'heure de la mondialisation et de l'ultralibéralisme, on observe quand même depuis quelques années beaucoup de perplexité sur ces sujets-là, pour ne pas dire des moqueries. Hein, il suffit de voir quand le politique a cherché à se saisir de ce sujet, comment ça a été un peu balayé. On est toujours dans des rapports entre dominants et dominés fortement aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire que c'est encore le modèle qui prévaut. Et le politique est très content de ce système-là. Mmh. Ceci étant, et c'est ce que j'essaye aussi de faire par ce spectacle et avec les différentes actions qu'on fait au sein de la compagnie, il n'empêche que force est de constater que d'autres modèles existent, bien sûr via cette éthique, mais je dirais plus proche de nous, des réseaux de solidarité, des inventions de nouvelles relations, se font depuis un certain nombre d'années, que les politiques le veuillent ou non, et c'est beaucoup plus ça que j'ai envie de mettre en valeur, en lumière, et que la puissance de chacun et de chacune se situe évidemment d'abord dans la douceur de chacun et pas dans la compétition avec les autres. J'ai lu que votre création s'est nourrie aussi d'un projet mené en 2015 dans un EHPAD, ce établissement pour personnes âgées dépendantes. On se souvient encore de scènes ici et là, quand on parle de maltraitance, de rapports physiques et gestuels qui ne tient pas compte de l'autre, justement, de la douleur de l'autre. Ça vous a aussi, ça a été d'un réel apport pour travailler ce spectacle ? certaine manière. C'est-à-dire que j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance de faire ce projet qui continue. Hein. Ça va faire maintenant 4 ans que je continue ce projet en EHPAD, précisément pour aller insuffler un peu de douceur dans ces établissements qui, oui, sont des lieux quand même de souffrance au travail, qui sont, mais quand même aussi, il faut le reconnaître, beaucoup d'engagement et de sollicitude vis-à-vis des résidents et résidentes. Moi, c'est la question du toucher et la manière dont on se ressaisit de l'autre et d'une autre proximité avec l'autre, puisque j'ai plutôt découvert que c'était un endroit qui, paradoxalement, avait un déficit de toucher au sens de la bienveillance. Les gestes sont présents, mais sont très usagés, parce qu'ils sont ceux qui sont, j'entends, divulgués par les personnes soignantes. Donc l'idée était de voir entre les personnes résidentes comment on pouvait remettre un peu de bienveillance, de sollicitude, de joie aussi là-dedans. Mmh. C'est un projet qui est passionnant, qui est déterminant nécessairement. Et je crois beaucoup aussi à la présence de la danse dans ces lieux-là, puisque c'est une vraie question adressée à la danse. Quand on s'adresse à des personnes qui ont 90 ans, qui ont leur vie, un petit peu derrière elles, qui sont dans des corps très diminués, qui douloureux, qu'est-ce que la danse peut venir leur apporter? Eh bien, je pense que elle leur apporte un autre rapport à soi et à l'autre, et une autre façon de se mettre en relation à l'autre. Et puis, elle peut littéralement, c'est ce que j'essaye de faire, tout un tas de réminiscences, vraiment à l'intérieur des peaux, de tout ce qui a pu être vécu pour chacune d'entre elles. Alors toutes ces valeurs éthiques dont on parle, de l'empathie, de la prévenance, du soin justement, du soin dans le bon sens du terme, soin se porter à l'autre, ça se traduira sur scène avec ce spectacle Care, donc, qui sera présenté prochainement donc à la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise les 15, 16 et 17 janvier prochains. Juste préciser que l'espace scénique, vous avez souhaité un plateau irradié de lumière blanche, ai-je lu, comme si c'était un partenaire également de la danse, des danseurs qui seront sur scène? Alors tout à fait, la relation de la lumière avec la danse, c'est quelque chose qui participe de la signature de mon travail. J'ai signé la lumière, donc je la voulais aussi assez enveloppante. Elle va suivre... véritablement, elle est jouée, je dirais, en direct, comme la musique. Elle suit véritablement la progression des danseurs. De la musique, justement, qui sera réalisée aussi en temps réel? Elle est exactement jouée en direct par la musicienne qui se branche de manière sensible à la progression des danseurs et des danseuses. Donc si on résume, Mélanie Perrier, cette chorégraphie, il est plus question d'une expérience peut-être sensorielle, visuelle, auditive, tendre. On parlait de soins portés à l'autre aussi. C'est dans ce rapport aussi pour les spectateurs. Ah ben j'espère bien. Il y a un vrai souci, on parlait de soins, il y a un vrai souci pour moi pour accueillir chacun et chacune, pour que... ils ne fassent pas une expérience de spectacle, mais une expérience, définitivement sensible, au point que ça commence avant le spectacle. C'est-à-dire que il y a un espace avant le début officiel du spectacle qui est offert avant la salle pour faire une sieste sonore, qui est une commande que j'ai adressée également à la musicienne, où chacun et chacune peut se déposer après sa journée, sa semaine, et voir comment on peut peut-être davantage préparer les corps avant de préparer les esprits à tout ça, de prendre un temps pour soi, un souffle, avant de rentrer dans la salle. Donc moi je crois beaucoup, en tout cas c'est ce que j'essaye véritablement de faire, à ce que ce type d'expérience puisse produire plutôt du bien, quelque chose qui de la douceur dont on a tant besoin pour le spectateur, pour chacun des spectateurs, sachant que bien évidemment chacun fera son trajet à l'intérieur de ça. Force est de constater que les gens qui ont d'ores et déjà vu ce spectacle, se prennent dans les bras à la fin du spectacle. Donc c'est plutôt bon signe. Et je crois aussi que c'est un spectacle qu'il faut venir voir à deux, définitivement. On ne peut pas venir tout seul. Et je pense que c'est une belle expérience, où c'est un beau cadeau à penser à qui on veut, avec qui on veut partager cette douceur-là. Eh bien, il va falloir patienter cependant pour les 15, 16 et 17 janvier prochains, mais c'est certain que nous avons hâte de partager cette expérience. Merci Mélanie Perrier. Et bien, merci à vous.